Paris Saint-Germain, ça m'intéresse pas. Mais en revanche, j'ai beaucoup aimé ce que vous disiez entre vous, des petites amabilités. Par exemple, Daniel, il a dit que Eric était un chevalier. Et ça, c'est beau. C'est vrai que c'est un chevalier. Et toi, Daniel, t'es un petit peu un Las Palès. Tu sais, le mec un peu psychorigide. Mais Valbuena, il est pas bon. Mais quand il est bon, c'est pas bon signe. Oui, là, il est bon. Oui, il est bon. Mais c'est non, mais pas bon signe. Oui, il est quand même bon. Oui. Mais c'est pas bon signe quand il est bon. Il est bon, mais c'est pas bon signe. Et jouer à 3, il y en a qui ont essayé devant la défense. Et ils ont eu des problèmes. Voilà. Donc ça, c'est la compensation du chevalier. Imiter la Spalette. Ah, mais c'est ça, c'est quand on t'écoute, ça pourrait être ça un peu. C'est un vrai, peu c'est le blocage, vrai, un peu. C'est le mec qui bloque. On a beau lui dire un truc, il dit non. C'est pas possible. Bon. On a appris aussi que grâce à Eric, et ça c'est important parce que bon tu vois c'est pas le dictionnaire littré mais il connaît le Marseillais par cœur. Et donc Anelka, on a appris qu'il parlait comme les Marseillais, vous savez, il disait enculé comme une ponctuation. Et le problème c'est qu'Anelka, il met des ponctuations mais il met pas des mots entre les ponctuations des fois. Il met que des ponctuations dans ses phrases. C'est gênant, on peut pas faire une phrase avec virgule, point, virgule, point, virgule. Enfin, à un moment donné, faut mettre des mots. Voilà, c'est important de lui dire. Domenech, il se plaint de sa sélection, et moi je le comprends, Domenech, parce que c'est vrai, c'est pareil, j'en veux beaucoup à mon papier peint, je vais te dire. Parce que moi, mon papier peint, dans ma chambre, je trouve trop rouge. Alors tu vas me dire, c'est moi qui l'ai posé. Oui, mais c'est pas une raison, il aurait qu'à mettre un peu plus rose avec le temps. Eh ben non, il est toujours aussi rouge, ce putain de papier peint, ça fait 5 ans qu'il est là, et ben je regrette de pas l'avoir changé. Je reconnais que j'ai manqué de caractère, mais c'est quand même un enfoiré de papier peint, parce que voilà, quoi, ça se fait pas d'être rouge quand on veut pas qu'il soit rouge. Et je voudrais revenir aussi une dernière seconde. Quelle sur comment? Quelle métaphore, c'est fantastique. La métaphore du papier peint. Ouais. Ben voilà, c'est que le papier peint, tu l'as posé, à un moment donné, faut assumer. Ouais. Voilà, et moi j'assume. Alors qu'est-ce qu'il a manqué? Il a manqué trop de caractère ou il a manqué de colle? Je ne sais pas. Oui, je suis désolé de vous interrompre. Hein. Ah, mais non, pas du tout. C'est nous qui sommes désolés de te couper du temps. Je revenais sur Valbuena. Alors, vous étiez un peu inquiet parce que Valbuena avait une contracture dans le dos. Vous dites, c'est assez rare. Non, parce que lui, il a le dos au niveau de ta cuisse. Donc, en fait, c'est un équivalent. C'est-à-dire que lui, tout ce qu'il a dans le dos, c'est un équivalent de ta cuisse. C'est-à-dire que, bon, s'il se pète le coude, c'est l'équivalent de ton genou. Voilà, donc, faut pas s'inquiéter. Francis Gillot, les studios Disney pensent à lui pour tourner le rôle principal du prochain Tim Burton. Alors, on espère avoir des nouvelles. A priori, faut quand même un peu de maquillage. Il fait du noir et blanc, mais le gris clair et le gris foncé, quand même, il a du mal à le gérer. Je vais revenir quand même sur le Parc des Princes. Quand même, c'est le fait du week-end. Vous parlez de votre football étranger, mais nous, quand même, c'est le PSG. Hein, c'est quand même le centre du monde aujourd'hui. Et le Parc des Princes faisait la gueule. Leonardo faisait la gueule. Nasser faisait la gueule. Mais le Cheikh, lui, le Cheikh, il est heureux. Le Cheikh Ndiaye, hein, le gardien. Parce que le Cheikh de Doha, lui, il était pas au Parc des Princes d'ailleurs. C'est que le Cheikh de Doha, ils lui ont rien dit. Ils ont décidé de faire comme dans Goodbye Lenin ou Hibernatus. Ils lui font croire que le PSG gagne à chaque fois. Sinon, le mec, il fait un AVC. Parce que le mec, il a mis 500 millions. Il imaginait pas se faire taper par la bande à John Boy, si tu veux. Donc, à un moment donné, les mecs, ils se sont dit, on va pas se faire chier, on va arrêter de mettre des millions dans des joueurs à la con. Hein, ce qu'on fait, c'est qu'ils ont construit un studio, ils ont fait une fausse tour Eiffel, ils ont mis 20 000 figurants qui font la teuf avec des écharpes du PSG, les mecs. Et puis, du coup, ils disent, on a gagné, regarde le prince, t'es sûr? Dis, regarde les images. On a gagné le prince, t'es content ou pas? Dis, mais c'est bizarre, ils ont des têtes, on dirait des Gaccheno, les types. Non, c'est parce que c'est la banlieue, mon prince, c'est normal. Mais dis donc, mais les types sur l'autobus impérial, là, c'est nos joueurs, là? Oui. Mais ils ont tous la moustache. Ah, c'est la tradition. Tant qu'on est invaincu, on la rase pas. Je sais pas si ça va tenir longtemps, leur truc, hein. Alors, non, parce que le mec, faut savoir qu'avec le prix de Pastore, il pouvait acheter Pi 3 pas, Alessandrini, Ferret, Erding, Antonetti, le stade de la route de l'Orient, la mairie de Rennes, les 800 baraques à galettes de saucisses, Salma Hayek en street qui fait un lap dance sur le comptoir du bar de la moule baveuse à Pornic. Alors, forcément, ça range à foin. Si tu veux, samedi, c'était un festival de vieilles charrues, mais c'était côté parisien qu'elles étaient, c'était pas côté breton. Je voulais juste dire à Yanis, qui est supporter du Milan, que comme autre club rayé rouge et noir, Yanis, voilà, c'était... Laisse tomber, c'est pas grave. Non, comme autre club rouge et noir, il y a aussi Rennes. Et je reviens sur Rennes, parce que je ne me suis pas remis, comme tous les amateurs de football, de cette défaite du Paris Saint-Germain. Avec Salma Hayek. Ouais, Salma Hayek. Non, si, parce que quelque part... Sublime, ah tiens, Salma Hayek, en fait. Écoute, elle a dit ça. J'adore aussi Paris Saint-Germain, mais ce soir, c'est la soif des Rennes. They are very good. Elle déjà parle française. Elle parle même pas français. Elle peut parler les langues qu'elle veut, tellement elle est magnifique. Ça, je te laisse le propos sur sa langue à toi, Daniel. Rennes, tu sais, en même temps, on s'étonne, mais Rennes, comme meneur de jeu, ils ont Ferré. Et à Paris, il y a Pastor. Et moi, j'ai écouté un disque de Léo Ferré, un disque de Thierry Pastor. On aurait dû se douter qu'il y avait une arnaque quelque part. C'est pas forcément le même niveau. Et on a beaucoup critiqué pendant... C'est vrai, au début de l'année, on a beaucoup critiqué la défense de Rennes. Le Stade Rennais, mais putain, leur défenseur central, mais c'est un rock, le mec. Il y a rien qui passe. Comment il s'appelle, là, le grand noir, là? Tone Boy. Non, le grand noir, là. Canabic. Oaro! Putain, mais Oaro, mais il est trop fort, ce mec! Les mecs, Lavezzi, Maxwell, Matuidi, Néné, ils ont pas arrêté de centrer dans la surface, il a tout dégagé, le mec! Rien n'est rentré! Eh ben, moi, je dis respect, ce mec, Oaro, je sais pas d'où il sort, le mec, un sang-froid, à un moment donné, il fait une tête, passe de la tête au gardien. Alors là, je dis, putain, mais combien de mecs savent le faire, ça à côté? Thiago Silva, c'est de la gnognotte! Et moi, je te dis merci! Et à un moment, il a un petit peu raté son dégagement, ça a fini sur la barre, et fou, il a eu chaud. Ouais, ouais, c'était chaud. C'est le seul moment où, à un moment donné, il a flippé, on a flippé. Mais moi, ce mec, je te dis, j'aimerais bien l'avoir chez moi en défense, hein. Qu'il est intraitable, mec. Petite confusion au niveau du maillot, des fois, je trouve. Mais bon, sinon, il est vraiment bon. À la fin du match, l'arbitre s'en est pris à Ancelotti. Vous avez loupé ce moment. Il a gueulé, il a dit, écoute, Carlo, moi, j'expulse deux joueurs de Rennes. Je fais mon boulot. Toi, tu fais entrer Oaro. À un moment donné, faut savoir, hein. Moi, je veux bien, on m'engueule et tout. Je fais ce qu'il faut. Vous voulez quoi? Que je siffle un péno? Vous allez me faire tirer par Oaro? Ça sert à rien. Non, mais c'est vrai, les mecs, ils font ce qu'ils, les arbitres, ils font ce qu'ils peuvent. Alors, si à un moment donné, vous faites pas vous les efforts. Non, je crois que c'est plus l'arbitre qu'il faut pour gagner. Il faudrait les mecs qui faisaient le comptage pour Fillon dans les Alpes-Maritimes. Et encore même, ça suffirait pas, regarde, ça suffit pas. Non, je crois qu'il y a plus de solution. À un moment donné, on pensait que le PSG était Ibra dépendant. Ensuite, on pensait qu'il était Matuidi dépendant. Ensuite, il était arbitre dépendant. Mais en fait, je pense que ce qui m'inquiète, je pense qu'ils sont Comboiré dépendants. Et là, on est dans la merde. On est vraiment dans la merde. T'as parlé de Mark Hughes tout à l'heure, qui fait un taf pourri. Alors moi, j'aimerais vous y voir. Le mec, il a une équipe de joueurs qui jouent au foot avec des Rangers. Putain, c'est pas évident. C'est comme les Santiago, le mec. Ouais, mais essaye de jouer avec des Rangers, toi. Tu vas voir ce que c'est. Le Milan AC, alors. C'est sympa parce que le Milan AC, t'as dit qu'ils donnent tout ce qu'ils ont. Bah oui, ils donnent tout ce qu'ils ont. Ils donnent Thiago Silva, Ibrahimovic, Pirlo et Seedorf. Mais tant qu'ils donnent tout ce qu'ils ont, quoi. C'est pas comme ça qu'ils vont s'en sortir. Et CR7, qui va venir au PSG. Alors évidemment, qui va venir au PSG parce que je rappelle que Ancelotti et Zlatan, c'est de la transition. C'est une année de transition. On attend juste Ronaldo et Mourinho, hein. Donc voilà, c'est pour les supporters. Enfin, je sais pas, c'est le seul truc qu'on peut leur faire avaler. Peut-être, je sais pas. Et je voulais finir par, ce joueur formidable. Qu'on a beaucoup aimé, qui s'appelle Aprouzès, un 27 ans, joueur amateur de CFA2 qui a joué pour Marseille, là, ancien chauffeur livreur, il y a encore quelques mois avec le numéro 33, là, et il y a même pas son nom floqué sur le maillot. Hein. C'est-à-dire quand il est rentré, moi j'ai cru que c'était une animation de la mi-temps, tu sais, genre la Golden Bar, le mec que tu prends qui a son jean, qui a mis le maillot du club pour être sympa et touche la barre. Et s'il touche la barre, il part avec une Zantia. Hein. Au parc aussi, ils ont touché la barre, mais ils sont partis avec une Ferrari et une Porsche. Hein. Ils sont pas complètement cons, les mecs. Mais Fabrice Aprouzès, moi je te jure, j'ai cru que c'était un type genre qui a la mucoviscidose et qui vient faire le coup d'envoi mais avec une heure de retard. Et en fait non mais moi je me mets à la place de Raspantino. Ça c'est salaud pour le pauvre. Non gars. Mais Raspantino, mais toi à la place de Raspantino qui est resté sur le banc alors qu'Aprouzès il est rentré. T'imagines dans la tête du mec, c'est comme si toi Gilbert le jour où t'es malade, mais les mecs il y a Jeff Perez, il préfère mettre un bec épileptique qui connaît rien au foot à l'antenne. C'est pas sympa. T'imagines, Denzel, ouais, pour le biopic de Don King, là. Finalement, on va pas te prendre, on va prendre Laurent Dutch. Tu vois, non, mais tu vois, il est bon, ça. Fabrice Aprouzès, pour finir, il est plus chauffeur livreur, mais moi, je l'ai vu courir, il a encore la remorque, il se met côté droit dans le véhicule lent, il double jamais et il attend l'air de repos, c'est ça le problème. Et en même temps, Aprouzès, ça vient des Abruzzi, c'est-à-dire, un mec qui vient d'Abruzzi. Mmh. Et c'est vrai qu'à mon avis, il doit pas se sentir seul parce que dans le staff, d'ailleurs, une belle bande d'Abruzzi à Marseille.